Brune, blonde, je pose la question plutôt mince que ronde. Pour les impressions curriculum vitae, un peu bâclé, mais pas trop de détails pour alléger. Je note les conseils, j'applique à la lettre les monts et merveilles. C'est pour les girouettes, il faut être sale, naïve et bestiale. Insouciante et peste, il s'occupe du reste. Je rédige ma lettre de motivation, je raye quelques trucs. Je gonfle les options, je souris en grand, je mets des talons. Même si je sais qu'ils prendront. Chaque chose en son temps, pas comme ci, pas comme ça. Je pioche dans le vent, si c'est trop bien pour moi. J'astique ma plastique, je me remets en question, je prends du fil dentaire. Je me mets la pression, je suis pas farouche, mais un peu blasée. Du petit popo qui vient de me griller. Fais péter le sarouel, elle déshabillée. Moi je suis pas de celles qui viennent pour coucher. Je suis bon, trop pudique et un peu con. Je vois bien que ça marche, même ma combinaison. Chaque chose en son temps, pas comme ci, pas comme ça. Je pioche dans le vent, si c'est trop bien pour moi. Clowns et marionnettes, pas comme ci, pas comme ça. Change d'un coup de baguette pour travailler le bois. Je commence à rougir, à me présenter. Salut, je m'appelle Tatiana. Que je suis coincée, j'ai l'air d'une plouque, un peu trop propre. Une petite bourgeoise limite baroque. Maintenant faut danser, faut chanter, faut créer, même improviser, faut qu'il passe une bonne journée. Puis quand j'entrerai, faudra 3 semaines pour avoir un nom commun par email. Chaque chose en son temps, pas comme ci, pas comme ça. Je pioche dans le vent, si c'est trop bien pour moi. Clowns et marionnettes, pas comme ci, pas comme ça. Change d'un coup de baguette pour travailler le poids. La morale de l'histoire, si tu veux que ça baigne, c'est que si t'es pas sur scène, y'a la télé. Avec une seconde chance pour les rater. Chaque chose en son temps, pas comme ci, pas comme ça. Je pioche dans le vent, si c'est trop bien pour moi. Interview exclusif ici sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. On a le grand plaisir d'accueillir avec nous dans nos studios Tatiana. Bonjour. Bonjour. Et donc Tatiana, tu es venue accompagner aujourd'hui. C'est la présidente de l'association dont on va parler, la CLIC. Exactement. Voilà. Alors, on va commencer par l'association. Donc l'association la CLIC, L-A-C-L-I-Q-U-E. Oui. Une jeune association, combien de temps d'existence ? 14 ans. 14 ans, ça date un petit peu maintenant. Oui. Sur Orléans ? Oui, sur Orléans. Sur Orléans. Oui. Alors, comment est venue cette idée de la création de l'association, le point de départ ? D'où est-ce que ça vient ? Ça vient de Tatiana qui avait été, prise sur une comédie musicale qui s'était faite au Macadam Café. D'accord. À Fleury. Et du coup, on s'est rendu compte qu'elle aimait la scène, elle aimait toutes ces choses-là. Oui. Et pour des raisons administratives et puis pour des facilités, on a ouvert cette association pour lui permettre de s'épanouir oui. dans le milieu qu'elle aimait. Quoi. D'accord. Alors Tatiana, c'est la fille. C'est notre voilà, fille. C'est votre fille. Alors, elle a été baignée depuis toute petite dans la chanson ? Oui. Ah oui, oui. Papa, musicien ? Voilà, musicien. Il oui. était dans un groupe de hard. D'accord. Je ne sais plus en quelle année. Sur Orléans, dans oui. les années 80, je crois. Quelque chose il s'appelait comme comment ça. Le groupe ? L-Stress. D'accord. Oui. Et du coup, il est guitariste, bassiste, oui. enfin, il touche un petit peu, il est autodidacte et touche un petit peu à tous les instruments. Oui. Moi, je suis accordéoniste. D'accord. Et puis, au fil des années, je me suis mis à la batterie, à la guitare, à la basse aussi. Donc, voilà quoi, elle a été baignée dans ce milieu-là. Donc, un groupe déjà dans la famille alors ? Oui, voilà, d'accord. Quelque part. Quelque part. Et donc, Tatiana, puisqu'on oui. parle des instruments, à part la voix. La guitare. La guitare aussi. Oui. De temps en temps, la guitare aussi. Oui. D'accord. Pour composer déjà. Oui. Et puis m'accompagner. Alors, oui. c'est vraiment un petit niveau, mais c'est un niveau qui pour le moment m'aide à composer et à faire passer mes mélodies auprès de mes musiciens. D'accord. Alors au départ, justement, l'association, tu étais toute seule sur scène. Comment l'aventure a continué une fois que l'association a été créée de la clique? J'ai commencé donc à faire plutôt de la comédie musicale et du café-théâtre, ouais, au Macadam. Puis nous, on a commencé à travailler des spectacles plutôt cabaret musical, dans lesquels du coup j'étais meneuse de revue et où tout ce que j'apprenais en formation sur Paris, je le transmettais aux adhérents de l'association, ouais, pour monter ces spectacles-là. D'accord. Et vous étiez combien sur l'association ou alors combien de personnes au jour d'aujourd'hui? Alors sur scène ou dans l'association? Dans l'association et sur scène. Alors dans l'association, au meilleur moment, on a pu être une cinquantaine de personnes. D'accord. Et puis sur scène, danseurs, danseuses, amateurs. Oui. On était des fois 25. D'accord. Et tous des amateurs passionnés. Oui. C'est surtout ça, il faut le dire. C'est vraiment des amateurs passionnés. Complètement. Ensemble de faire quelque chose de fou, parce que c'est quand même quelque chose de fou de se mettre en scène, la chanson, la musique, danser, le théâtre. Alors donc sur Orléans, tu as pris des cours, tu as commencé toute petite à l'école? J'ai commencé à 10 ans à chanter au sein de ma famille, puis à 13 ans à monter sur scène. J'ai jamais pris de cours jusqu'à mes 19 ans, ma venue sur Paris et donc ma formation à l'école Richard Cross. Voilà, tu es parti après le Richard Cross. Exactement. Combien, 2 ans? 2 ans de formation, oui. Surtout sur la technique vocale, mais avec des cours de théâtre, de danse, de sport, de clown, oui. Voilà, et puis d'écriture par la suite. Et suite à ces 2 ans, j'ai été prise comme premier rôle dans une comédie musicale, donc qui s'appelait Footloose. Oui. Et donc j'ai enchaîné, ça s'est relativement bien enchaîné, j'ai fait plusieurs comédies musicales jusqu'à aujourd'hui, Émilie Jolie. Émilie Jolie, voilà. La comédie musicale en ce moment pour toi, c'est Émilie Jolie. Exactement. Tu as quel rôle? J'ai le rôle de la sorcière qui se transforme en princesse. En princesse à la fin. Bah je oui. préfère le dire. Voilà. Et alors, Émilie Jolie, elle est jolie sur scène? Oui, elle est très jolie. Ouais. Elles sont 3. Oui. Elles sont en alternance sur le rôle. Ce sont deux jeunes filles de 10-11 ans. Et une un peu plus âgée qui a 20 ans. Elles sont de très bonnes chanteuses et aussi comédiennes. Le spectacle a débuté pour les vacances de la Toussaint au Comédia, au Théâtre Le Comédia à Paris. D'accord. Et on a joué jusqu'au 7 janvier. Oui. Et là, on part en tournée à la fin du mois et on fait une tournée jusqu'à fin avril. Fin avril. Une tournée nationale? On passe dans... On fait pas beaucoup de villes, mais par contre, on double chaque spectacle dans des villes telles que Lyon, Montpellier, d'accord, Nice. Oui, parce que c'est quand même une sacrée structure à mettre en place, aussi bien au niveau de la scène, du décor, la logistique, il y a exactement, du travail derrière. Il y a 4 musiciens sur scène, oui. On est à peu près 7-8 personnages, plus les danseuses. C'est quand même un sacré groupe de personnes, surtout qu'il y a après techniciens, costumiers, enfin habilleuses, donc ça fait beaucoup de personnes et on va faire les zéniths. D'accord, donc ça c'est quand même une belle expérience aussi. Oui, très belle. Alors justement, en souvenir d'expérience sur scène, quel est ton merveilleux souvenir, même petit, hein, il y a peut-être un souvenir qui te marque, tu dis, oh, ça je le garderai toujours en mémoire. Le pire, hein, on ne sait jamais, oui, ça peut être le pire qui est le meilleur. Tous les souvenirs sont bons à garder. Je crois que le souvenir qui m'a le plus touchée et qui là vient tout de suite en mémoire, c'est à 14 ans, j'ai eu l'opportunité de faire une première partie de spectacle musical au Théâtre Trianon. Ah oui. Et donc j'ai eu ma première jolie robe que mes parents m'ont offert à cette, d'accord, voilà, pour cette scène. J'ai fait deux chansons donc de Jacques Brel et Edith Piaf en première partie. Oui. Ce spectacle est vraiment magnifique, c'était ma première grosse scène et c'est assez exceptionnel. La scène d'ailleurs n'avait pas été encore refaite parce qu'elle a été refaite, donc elle était en pente. D'accord. C'était assez surprenant. On avait fait le chemin jusqu'à Paris et on était tous les 3. C'était assez magique. C'est assez magique. La première fois que tu avais une loge aussi. Oui, j'avais ma loge. Voir son nom marqué sur la loge. Ouais, ouais. Elle avait ses petits yeux qui pétillaient. Oui. Impressionnant. J'ai eu ça aussi, pas en tant que chanteur, mais voilà, on a eu une loge une fois à notre nom et quand chose, on arrive, on voit son nom. Dit, ah, c'est exactement. Pas possible. On a une pièce qui est que pour nous réservée. Oui. Ça fait plaisir. On se dit, oh, on rentre dans la cour des grands, oui, tout doucement. Et pour maman et papa, c'est quelque chose si merveilleux de la voir pour la première fois sur scène, par exemple au Trianon. Ça change des petites salles qu'on a fait sur Orléans avec l'association. C'était impressionnant et j'avoue qu'à un moment donné, j'ai été voir derrière le rideau parce que ça commençait à se remplir et en fait, c'était complet. D'accord. Du haut en bas. Et là, je me suis mis moi-même à trembler, moi qui d'habitude la réconfortais, etc. Et j'ai dit à mon mari, je crois que je ne vais pas pouvoir la calmer, parce que même moi, j'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure. Ouais. Et de voir en fait sa fille sur scène, au milieu du public lambda, est-ce qu'on entend les gens parler? Qu'est-ce qu'on se dit? On dit c'est ma fille dans notre tête, on se dit, oh, s'ils savaient, ça fait quelque chose. Ce qui fait quelque chose, c'est depuis toute jeune, en fait, sa façon d'interpréter les choses et de communiquer avec son public. D'accord. C'est ça qui est impressionnant de se dire, mais moi c'est ma fille, donc je sais qu'elle a une belle âme et qu'elle est aussi belle extérieurement qu'intérieurement. Mais du coup, quand elle chante et quand elle est sur scène, et entendre les commentaires des gens, et se dire, mais c'est pas parce que je suis la mère que je pense ça, comme tout le monde le pense. Bah oui, c'est ça. Et elle a cette aura qui fait que, on l'appelle Tatou, son surnom c'est Tatou, mais d'accord. En plus de ça, je l'entends souvent, les gens me disent, mais elle a tout. Elle a tout. Ah oui, pour t'avoir vu plusieurs fois déjà sur scène, même ici même, dans l'espace arc-en-ciel, en dessous. Exactement. Tu étais venu. Alors c'était pour une Saint-Valentin de mémoire, on avait fait un petit show en bas, et on a encore les bandes, ça peut se trouver. Ah, génial. On doit avoir quelque chose qui traîne dans nos studios. Et c'est vrai que c'est un merveilleux souvenir, parce que voilà, il y a la voix, il y a l'interprétation, et même des chansons, tu as fait du cabaret, des petites musiques de cabaret, des reprises, même ces chansons qu'on connaît déjà avec d'autres artistes, d'autres chanteurs, de te voir la réinterpréter et de te l'approprier à ta façon, le public, voilà, il accroche, il revit, je pense, une autre chanson. C'est important. Alors justement, pour la suite, tu fais de la reprise, dans quelle variété tu t'es enfermé, enfin pas enfermé, mais qu'est-ce que tu interprètes le plus en ce moment qui te correspond en reprise? En reprise, en ce moment, c'est plus chansons françaises un peu swing, ou alors qui se rapprochent de mon univers à moi de composition, ou alors avec un des musiciens avec qui je travaille et que je compose, donc John Dada. D'accord. On fait des covers de chansons plutôt Ray Charles ou même des chansons actuelles, mais qu'on retravaille et qu'on réarrange à notre sauce. Donc plutôt groovy. De groovy, alors. Voilà. D'accord. Et alors, donc, tu l'as dit, tu composes aussi des chansons. Oui. Combien de chansons tu as écrit jusqu'à aujourd'hui? Oula, je ne sais pas. Des livres entiers à la maison. Non. Non, je compose et j'écris. Alors, je compose modestement. Je travaille donc la avec des mélodies de départ pour Dada. Pouvoir. Voilà. Je travaille avec Dada, qui lui est un musicien accompli et avec qui j'aime vraiment travailler en duo. Qui sait être à l'écoute aussi de ce que j'ai envie de créer. J'ai travaillé juste avant avec Anthony Giordano, qui pareil était assez sensible et à l'écoute, et qui avait réalisé mon premier EP. D'accord. Moi j'écris surtout, et y en a quelques-unes, je dirais peut-être une vingtaine. Vingtaine, oui. Mais aujourd'hui, je me focalise vraiment sur un thème principal. D'accord. Qui est celui de la femme. Oui. Et donc des personnages qui peuvent sortir tout droit de mon imagination, ou qui peuvent être la plupart du temps inspirés soit de traits de caractère que j'ai moi, soit de personnes que j'ai pu observer ou croiser. D'accord. Alors justement, pour femme, puisque ça va être l'actualité toute chaude en ce moment, au sens propre ou figuré, femme. Oui, oui. Et donc femme, tu as composé tous les morceaux donc du spectacle qui va avoir lieu, puisqu'en fait femme c'est un spectacle, oui. Donc F-E-2-M-E-S, voilà, c'est comme ça qu'on le note sur l'affiche. Et donc là, toutes les chansons qui vont être interprétées ce soir-là, c'est toi qui les chantes? Oui. Et tu les as composées toi-même? J'ai co-composé. Les chansons, parfois composées toutes seules, avec différents compositeurs, parce qu'il y a Dada, donc Anthony Giordano, mais aussi Paul Roman, Jalil Vasco, donc des amis et compositeurs avec qui j'ai travaillé. J'ai tout écrit, et je travaille en collaboration avec Julien Aluguette, qui est le metteur en scène du spectacle, et qui m'a donné l'idée il y a presque un an maintenant, de vraiment me pencher sur le live. Oui. J'ai aujourd'hui des compositions, un EP, des clips en ligne. D'accord. Et sur YouTube, et il m'a vraiment dit ce serait vraiment bien qu'on travaille le live, mais d'une manière plus spectaculaire qu'un live où, ce qui est très bien aussi, mais où on chante, où on raconte un peu pourquoi on chante cette chanson. Et puis voilà, lui il voulait vraiment qu'on scénarise les choses et qu'on présente non pas un concert mais un spectacle avec différents personnages, qu'on crée une histoire, etc. Donc je suis interprète seul interprète sur scène, mais accompagné de deux musiciens multi-instrumentistes, donc John Dada et Benoît Chanez, qui sont chanteurs et voilà, musiciens. Ouais. Et là, donc, vous serez trois sur scène en permanence. Voilà, donc, deux musiciens. Tu vas jouer de la musique en même temps sur non, scène, non, moi, je chante, que de la chanson, je danse et j'interprète. D'accord. Et alors, donc là, il y aura une quinzaine de morceaux à peu près ? Il y a 16 morceaux. 16 morceaux, ouais. Ce sont 16 personnages très, très différents qui se succèdent. D'accord. Et dans lesquels donc, la femme est mise en valeur. Ce sont différentes facettes de la femme. Et on a fait suivre les événements comme si c'était un espèce de souvenir enfantin du symbole de la femme. Oui. Et que bah en rentrant dans l'âge et dans la vie d'aujourd'hui, en fait on bah tout est un peu cassé, entre guillemets, le rêve est un peu cassé. D'accord. Parce que bah on crée ce que l'on est avec ce que l'on vit. Et non, donc pas... la femme mûrit au fur et à mesure de l'histoire. Exactement. Comme les chansons, tu as dû les mûrir au fur et à mesure. Les chansons sont venues par rapport à une idée de spectacle ou c'est plutôt l'idée du spectacle et les chansons se sont créées après ? C'est plutôt l'idée du spectacle. On est vraiment parti sur la femme parce que c'était quelque chose qui revenait fréquemment dans les anciennes compositions. On en a gardé 5 et on en a créé 11 nouvelles. Je dis nous parce qu'on est quand même une équipe créative assez complète. Oui. Donc il y a costumes, décors, accessoires, les musiciens, le sondier, celle qui crée les lumières, enfin voilà, on est une équipe, le chorégraphe, on s'est tous réunis, on est parti de ce thème là et suite à ça on est parti, on s'est mis des étiquettes vraiment de personnages où moi je suis partie à écrire, à composer avec Dada et où du coup on a fait le choix de faire un style musical et une mise en scène précise pour chaque personnage. Donc chaque personnage a son costume, sa musique, son style. Voilà. Et alors parfois délirant, mais jusqu'à quel point le délire ? Parce qu'en fait on peut penser tout et n'importe quoi, on arrive à mettre l'idée folle qu'on a sur papier, la mettre en scène ? Oui, on y arrive. Après avec certaines limites parce qu'il faut que ce soit, enfin nous on a envie que ce soit accessible bien sûr, à tous. Pour le tout public. Voilà, oui. On est parti sur un thème qui me tient à cœur, qui est celui de la femme années 50, d'accord, pin-up, qui est moi mon symbole de la femme. Oui. Qui me touche beaucoup, qui correspond aussi à ma morphologie, à là où je me suis reconnue moi en tant que telle. On va dans le délire et puis après on taille un peu la sculpture pour que ça ressemble à quelque chose d'accessible. Oui, il faut de toute façon pour se mettre en scène. Et puis quand on voit l'affiche, on imagine bien le spectacle un petit peu des années 50. Oui. Quand on regarde le flyer, hein, recto verso, déjà oui, les deux tenues différentes, pour te suivre un petit peu sur Facebook, sur YouTube aussi, on le remarque bien, ce, comme tu dis, pin-up un petit peu. Oui. On met en scène extraverti, il faut donner envie par une image de venir te voir. Alors donc ce spectacle, représentation unique, exceptionnelle à Orléans. Alors il y a l'avant-première à Orléans le 5 mars et il va y avoir une date donc normalement fin avril. D'accord. J'attends la confirmation. Oui. Mais sur Paris dans un très beau théâtre. D'accord. Voilà, j'en dirai plus bientôt. Et parce bien que bien. J'attends la confirmation. D'accord. mais ça c'est assez positif pour le moment. D'accord. Donc ce sera le showcase de présentation sur Paris pour faire venir des producteurs, des professionnels. Oui. Voilà, sur place. Et puis faire une tournée après par la suite. J'espère. Alors il y aura un album qui sortira de ces musiques ? Mais j'aimerais beaucoup, enfin on aimerait beaucoup. D'accord. C'est prévu, on aimerait pouvoir le réaliser. Après tout ça c'est un gros investissement. Mmh. L'association La Clique m'a beaucoup soutenue et tendu la main. Cette association, donc mes parents et tous les adhérents me soutiennent énormément depuis plusieurs années. C'est grâce à eux que j'ai pu aussi faire mon EP mais aussi mon clip qui est La Garce, qui est sur YouTube. Donc voilà, c'est grâce à eux qu'aujourd'hui j'arrive à réaliser mes projets et j'espère de tout mon cœur qu'enfin je vais réussir à toucher un producteur, un tourneur qui va réussir à être touché par toute cette équipe et tout ce dévouement et vouloir financer les choses pour que D'accord. ça puisse tourner. Je suis un être un peu cocassé, plus encore une petite garce si cynique qu'elle en mord. Mon charme est ma plus grande force, mon humour, mon écorce. J'achète les âmes les plus amorphées, les plus folles. Mais je crois à l'amour et aux idylles, même si c'est rapide, même si parfois c'est subtil. Un presque rien peut devenir très intime pour une semaine. banquette de sa voiture est sans éclair. Pardonnez-moi d'être femme, de caractère douce et féline, mauvaise perdante et rancunière. Pardonnez-moi d'être la casse la plus amère, lorsqu'il te voit qui pleure et qui me bloque, j'en suis fière. Pardonnez-moi d'être une femme envie d'amour ou le désir, rassemble à rendre des jours. Pardonnez-moi pour cette flamme qui tour à tour s'empêtre au chevet de votre lit durant l'amour. Les 16 morceaux donc de femmes, hein, oui. De la comédie que tu vas mettre sur scène, ils sont déjà enregistrés, physiquement ils existent? Et oui, oui, il y en a quelques-uns qui sont enregistrés, il y a pas mal de maquettes. D'accord. Ils ne sont pas tous masterisés, voilà. Préparés pour. Voilà. D'accord. Mais il y en a quelques-uns, et, dont deux, du coup, qui sont en ligne, en ligne, voilà. Clip, mais qu'on a retravaillé sur scène. Alors justement, tu parlais de la garce. Alors, oui. La garce. Quand on dit ça, on dit la femme, la garce, c'est bizarre. Alors justement, de quoi parle? Parce qu'on l'aura écouté juste avant, mais de quoi parle la garce? En fait, la garce, c'est un personnage de femme haut en couleur qui a envie de charmer, de séduire, et puis qui va se faire séduire par un homme, un don Juan. D'accord. Et elle va être très vite déçue parce qu'il va se jouer d'elle, et elle va décider de se venger. D'accord. Et de l'humilier quelque part, mais pas méchamment, mais où elle va se sentir prendre le dessus et prendre sa vengeance. D'accord. Voilà. Et ça, donc on peut le retrouver sur YouTube. Alors on tape M Tatiana pour retrouver toute mon actualité musicale. Exactement. M-T-A-T-I-A-N-A. Sur YouTube, oui. On retrouve tous les clips. Oui. Sur Facebook, on peut te suivre aussi? Sur Facebook, il y a une page professionnelle donc, qui s'appelle aussi M Tatiana en majuscule. Il y a un Instagram, M Tatiana Off, oui. O2F, et le site internet www.mtatiana.com, je crois. Oui, c'est ça. D'accord. J'ai eu un petit doute. Et donc voilà, tout est en ligne. Tout est en ligne. D'accord. Et donc sur la Clique aussi, ils ont un petit site si on veut retrouver l'association de la Clique. Oui, oui. On a un site, c'est www.laclique.music, je crois. Oui, .fr. Donc on peut retrouver l'actualité musicale. Et alors donc pour le spectacle unique sur Orléans, c'est le 5 mars, c'est à la MAM à Orléans. Tous les renseignements, réservations sont auprès de la Clique pour avoir tous ces renseignements. Exactement. D'accord. Et donc, femme, on retrouvera forcément l'actualité musicale prochainement de l'album, de la sortie. Oui. Et tu nous as réservé donc trois petits morceaux qu'on pourra diffuser. Donc le premier, c'est La Garce, oui. Dont on vient de parler. Le deuxième. Le deuxième, c'est Brune Blonde. Brune donc, Blonde. La Garce a été écrite par mes soins et composée par Djalil Vasco. Brune Blonde, je l'ai composée et écrite, et elle a été réarrangée et réalisée par Anthony Giordano. D'accord. Et la dernière, c'est... j'ai fait une de chaque oui. personne avec qui je travaille. La dernière, c'est... donc c'est la maquette, mais elle me tient à cœur parce que c'est un des personnages haut en couleur du spectacle. D'accord. Donc c'est La Mariée. La Mariée. Et, c'est plus pop-rock, et donc c'est John Dada qui a D'accord. composé avec moi et qui a réalisé la chanson. Donc il y a des chances qu'on te retrouve avec une belle robe blanche, une grande traînée sur scène. Alors. Peut-être que ça peut être surprenant. D'accord. Donc si on veut savoir, il suffit d'aller à la MAM. Exactement. Donc le 5 mars à partir de 20h, aucune réservation sur place. Hein. Donc il faut absolument contacter la Clique ou la MAM hein, pour réserver. Et donc bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Et alors après, qu'est-ce que ça va être la suite de l'aventure? Des tournées? L'album? J'espère, oui. Et il y aura d'autres surprises? Où est-ce qu'on va aller après? Moi, je commence déjà à écrire d'autres choses. D'accord. Dans lesquelles je ne m'inclus pas forcément. D'accord. Mais il y a vraiment un plaisir d'écrire et oui. une envie d'écrire d'autres choses, spectacle ou autre, mais voilà, donc qui se met déjà en place. D'accord. Voilà. Et alors, un retour avec la Clique peut-être? Un jour sur scène, la grande troupe de la Clique peut-être? Non. C'est pas prévu pour l'instant? Non, c'est pas prévu. D'accord. En fait, quand elle est partie sur Paris, on a arrêté les spectacles cabaret pour se consacrer à la promotion et production D'accord. de l'artiste. Et en fait, il s'est avéré que tout à l'heure, elle disait merci à la Clique, mais moi, j'ai envie de lui dire merci à elle, parce qu'en fait, c'est elle qui nous fait rêver, c'est elle qui nous fait vivre, que ce soit ses parents ou tous les adhérents, les fidèles adhérents de l'association qui nous ont jamais lâchés, D'accord. parce qu'ils sont fans de Tatiana et que voilà, quoi, on est en attente tous de ce qu'elle peut donner. Donc, ouais. nous, c'est que, entre guillemets, financier, ce qu'on lui apporte, mais elle nous fait rêver et elle nous fait vivre. Pour t'avoir vu sur scène, merci. Tu nous fais rêver. Voilà, dans différents événements, on a des grands, grands souvenirs. Donc, un grand, grand merci. Et puis, bah, un plaisir, si tu reviens sur Orlan, tu viens nous voir quand tu veux. Oui, avec plaisir. Radio Arc-en-Ciel, c'est la radio des artistes en l'année, donc on t'accueille bien volontiers. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Et bien, merci encore. Et on rappelle donc M. Tatiana sur Facebook, sur Internet pour te retrouver. Merci. Merci. Merci. Je ne suis pas encore vraiment posé l'ultime question. Parler de mort maintenant, c'est me mettre un peu la pression. Moi je pensais faire une fête, mettre une robe et boire qui sait. Mais à présent je me demande si je suis enfin prête à marcher sur les plates-bandes de la famille qui rouspète. Je vais donc prendre un temps, revenir dans un moment. Je ne vais quand même pas mentir, je ne suis pas sûre de vouloir ça. Moi je pensais rester princesse, pas de menottes qui oppressent. Je m'imagine te repasser toutes tes chemises à carreaux, la vaisselle, le linge à laver et les gosses après le boulot. Je fais quelques pas en arrière, mon cœur se meurt, ma gorge se serre. Peut-être qu'une nouvelle vie.